Alors, vous avez kiffé notre procès ? Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était hyper bien, mais ça m'a fait penser à l'affaire qu'il y avait eu sur le tableau de Fragonard pour son expo, vous voyez ou pas ? Non, pas du tout. Mais c'était en 2015 ou 2016, un truc comme ça, okay, au musée du Luxembourg. Et le nom de l'exposition, c'était Fragonard amoureux, et ça le présentait comme un galant et libertin avec tous ses tableaux. Mmh. Sauf qu'en fait, il y avait eu des polémiques, parce que l'affiche de l'exposition, c'était son tableau, Le Verrou. Je vois pas trop... C'est un tableau de Jean-Noré de Fragonard au XVIIIe siècle. C'est un peintre libertin. Ok, ça ressemble à quoi ? Attends, je te trouve ça. Ouais, sur le site du musée Museum TV, je te le lis. Dans cette chambre à coucher en désordre, deux amants semblent brûler d'amour l'un pour l'autre. L'homme en tenue légère et blanche se dresse sur la pointe des pieds pour atteindre le fameux verrou de sa main droite. De l'autre côté, sûr de son désir, il enlace sa bien-aimée à la robe défaite. Mais la femme semble plus timide et a même l'air de vouloir s'extirper de son étreinte. Avec les étoffes et les velours emplissant la chambre, le décor est assez théâtral. Le bouquet jeté à terre suggère la défloration et la pomme posée sur la table de chevet évoque le péché originel. La scène se découpe dans un clair-obscur au ton chaud d'où se démarque clairement le couple. Très intéressant. Ouais, mais en fait, faudrait voir l'analyse de Darras là-dessus, parce qu'il est intéressant ce tableau. Les figures, elles sont vraiment sur la droite, et donc on a longtemps dit que toute la partie gauche était très vide, puisque c'est un lit vide. Et pour Arras, non, en fait, c'est vraiment le détail qui est intéressant. Il voit dans la forme des drapés le genou d'une femme, des seins, même une vulve. Et donc pour lui, tout le sujet du tableau est justement dans ce lit-là. Ok. Mais du coup, j'ai pas compris, c'est quoi le sujet vraiment ? Bah, si tu veux, Fragonard, il me semble que quand il décrit le tableau, il dit que c'est un intérieur d'appartement dans lequel sont un jeune homme et une jeune fille, celui-ci fermant le verrou de la porte, l'autre s'efforçant de l'empêcher. La scène se passe auprès d'un lit dont le désordre indique le reste du sujet. Attends, mais je comprends pas, c'est quoi le sujet vraiment ? Mais du coup, c'est une scène d'amour. Bah non, c'est pas une scène d'amour, c'est une scène de viol. Mais non, ça s'inscrit dans une coutume libertine pour attiser le désir. Mais non, mais c'est pour ça que ça avait fait polémique. Quand il y avait eu... Enfin, là, on le présente comme un galant libertin, alors que pas du tout, c'est juste une agression sexuelle. Non, mais on voit bien que c'est de l'amour. On voit tout le désir charnel, la passion dans le tableau, dans les couleurs. Même la main de la jeune femme, c'est une tendresse sur le visage de l'homme. Et lui, il ferme le verrou vraiment pour protéger sa réputation. C'est vraiment un geste de pudeur. Car si l'homme n'avait pas bien fermé ce verrou, la femme aurait été humiliée. Ah, oui, c'est même carrément, il me semble, l'analyse que Maupassant en fait. Enfin, en tout cas, il a écrit une nouvelle qui s'appelle Le Verrou et qui fait directement référence au tableau, et dans lequel un personnage raconte ses premiers ébats avec une femme. Et finalement, ce n'est pas le fait qu'il ait détourné du droit chemin en couchant avec elle qui est vraiment un scandale, mais c'est le fait qu'il ait oublié de fermer le verrou et que du coup, ils aient été surpris par le concierge de l'immeuble. Enfin, finalement, autour du verrou, fermer le verrou, c'est protéger la femme, parce que comme ça, quand ils ont un rapport, personne d'autre ne sera au courant qu'eux-mêmes. Si on décide de lire le tableau de la gauche vers la droite, on voit le lit, donc on imagine les ébats. Ensuite, il faut repartir. Peut-être même que l'homme, il est carrément en train d'ouvrir le verrou. Ils vont sortir, il y a une dernière étreinte. Et ils sont très heureux, ils ont l'air très contents tous les deux. Enfin là, on voit très clairement qu'elle est en train de lutter, qu'elle veut ouvrir le verrou. C'est pas du tout elle qui est en train de se cacher juste par pudeur ou... pour je sais quelle raison. Enfin, ça se voit qu'elle est en train de se débattre de ses bras, que le lit, il est complètement en désordre, et c'est pas du tout parce que c'est un symbole de l'amour ou quoi, c'est vraiment très concret, elle est en train de se débattre, et c'est une scène d'agression. Et il y a son visage extrêmement fermé qui le repousse avec la main, tout son corps semble dire non, alors que lui la tient très très fermement, et elle a pas de place pour s'échapper. Ouais. Et puis même, on voit la chaise qui est tombée au pied du lit, la rose aussi, enfin les fleurs qui sont tombées, ça c'est un symbole de la virginité. Tout ça, c'est vraiment le désordre, c'est pas du tout une scène d'amour, c'est une scène de violence. Après là, je suis allée voir le tableau, et en voyant ça, c'est vrai que c'est une image figée, ne peut pas être interprétée d'une façon si décisive, je suis pas sûre. En fait, là, même, on peut dire que, vu le désordre du lit, déjà, l'acte sexuel serait déjà consommé. Et, c'est pas un texte littéraire qu'on enfin, on n'y voit pas un avant et un après, donc c'est beaucoup plus ambigu. Et là, et aussi, on peut dire que le désir féminin, ça passe souvent, enfin, moi je parle surtout des textes des tiers parce que c'est ce que je connais, mais j'imagine peut-être dans la peinture aussi, ça se passe souvent par le non-dit. On ne peut pas exprimer en tant que femme au XVIIIe siècle, même au début du XIXe, son désir. Enfin, même aujourd'hui, en fait, on a du mal en tant que femme de dire ce qu'on désire. C'est pas... Là, on voit très nettement dans le geste de l'homme qu'il a... enfin, qui désire la femme, mais on ne peut pas dire la même chose pour la femme parce que vraiment, on ne peut pas le dire. C'est pas qu'on ne peut pas l'interpréter comme ça, mais à l'époque, juste... Enfin, c'était pas permis de le dire enfin, aussi facilement qu'un homme pouvait exprimer son désir. Donc voilà, même l'expression de désir féminin devait être nuancée. Et là, on peut même dire que... Enfin, je pense à Michel Dolan qui disait que le libertinage se trouvait aussi dans le refus d'un sens fixe et dans le fait qu'on puisse pas y attribuer un sens qui serait très clair. Enfin, il y a toujours cette ambiguïté qui... Voilà. Donc, ce que tu veux dire, c'est que la femme, elle ferait semblant... Enfin, elle ferait exprès de pas être claire. Non, c'est pas ce que je dis, mais même si... Enfin, disons que Fragonard, il voulait vraiment peindre un tableau qui démontrerait deux amants qui seraient contents, etc. Moi, je trouve... ça pas très choquant qu'il représente la femme comme si elle voulait pas être avec cet homme. Enfin, moi je dirais que c'est comme on a discuté un peu après notre procès. Enfin, dans la pièce aussi, il disait que, enfin, pour dire oui, une femme devait passer par le non. Enfin, même si c'est un, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'était... Il est vrai que c'était parfois ce qui se passait dans les textes du 18e. Donc je me dis que pourquoi pas pour ce tableau, ce serait la même chose. Ce que tu me dis, ça me fait vachement penser à un article que j'ai lu l'autre jour de Lucie Nizard qui s'appelait « La comédie du viol dans les romans et nouvelles du second 19e ». Bon, alors c'est pas exactement la même période, mais globalement, ça reprend des topos qui ont été créés au 18e. Et c'est l'idée que pour pouvoir consentir, comme tu disais, il fallait d'abord dire non. Que finalement, il y a toute une construction de la scène d'amour qui est pensée comme une comédie à jouer dans laquelle la femme sera toujours et nymphomane et menteuse et hypocrite dans la mesure où elle aurait toujours envie d'avoir un rapport sexuel, mais qu'elle ne pourrait jamais le dire et qu'elle devrait toujours feindre que ce n'est pas le cas pour créer une lutte qui, finalement, est un peu l'objet érotique en lui-même. L'homme, parce qu'il doit chasser la femme, finalement, va brûler de désir. Finalement, reconnaître ce scénario, c'est aussi un enjeu pour l'homme, parce que si jamais il ne reconnaît pas le scénario et que donc il abandonne la poursuite de la femme, bah c'est un gros naïf, finalement. C'est pas vraiment un homme, puisqu'il a pas compris que c'était à lui de la séduire et de la pousser à consentir, et donc à céder, plutôt. On parle toujours de céder et jamais de consentir. Mais tout ça, ça appartient, en fait, à la culture du viol... Et même, je peux vous lire l'article de Roxane Darlot-Harel qui parle de ce que c'est la culture du viol, qui a été inventée dans les années 70. Je la cite. « De manière plus précise, la culture du viol trouve sa source dans le discrédit de la parole féminine dans un contexte sexuel et dont le postulat est très simple. Une femme qui dit non, c'est une femme qui voudrait dire oui. On devine la perversité de ce discrédit jeté sur la parole féminine. Un refus réel est un faux refus et on peut donc violer la conscience tranquille. Il est normal et même juste de ne pas écouter les femmes. Ainsi, on peut définir la culture du viol comme un ensemble de représentations qui vise à nier la possibilité même du viol. » Et la littérature, elle ajoute, la littérature libertine du XVIIIe siècle est exclusivement écrite par des hommes en même temps qu'elle est féminocentrée, exactement comme les représentations de Fragonard. Non, mais on ne peut pas dire ça. Là, en l'occurrence, c'est un anachronisme. On ne peut pas juger les faits du passé avec les lois du présent. Les coutumes et les normes étaient bien, bien différentes à l'époque. Oui, mais comme le dit très justement Maxime Triconeau, en fait, le parallèle avec l'accusation d'anachronisme qui pourrait être faite à l'utilisation de la notion de culture du viol dans l'analyse d'un texte ou d'un tableau libertin, c'est très éclairant parce que c'est de même que les virus n'ont pas attendu la venue de savants pour être actifs, la culture du viol n'a pas attendu sa formulation conceptuelle pour être opérante dans le monde social. Donc en fait, nous, c'est notre propre analyse moderne, mais en fait, ça n'empêche qu'à l'époque, il y avait déjà ce contexte-là et qu'aujourd'hui, on doit le voir selon notre prisme, car il est effectif dans le monde à l'époque et dans notre monde présent. Oui, regardez ce que Alain Jaubert a dit dans son émission Palette sur le verrou de Fragonard. Il dit l'histoire racontée, c'est un jeune homme qui entraîne la jeune femme dans une chambre. Il est brun, très musclé. Je cite après, l'écrasement des coussins et des draps témoigne de leur premier baiser, de leur caresse, de leur enlacement. Jusque-là, la femme se sentait protégée par le risque d'intrusion d'un étranger dans la pièce. Mais les caresses sont allées trop loin. Son séducteur est presque nu contre elle. Elle sent qu'elle n'a plus de défense. Elle bondit du lit vers la porte. Plus loin, il dit, elle tend le bras pour l'en empêcher, sans grande conviction. Sa main droite se pose sur la bouche de son compagnon, mais c'est désormais plus un geste de tendresse que de refus. C'est la dernière seconde de sa résistance. Le lit est grand ouvert derrière elle. Elle va céder. Elle a déjà cédé. Mais c'est exactement la façon dont Lucien Hazard aussi, il analyse le tableau en 2018. Enfin, je vous le lis aussi. Donc, elle simule, mais qu'éprouve-t-elle ? Elle se soucie tellement de son attitude, de sa composition, du rôle qu'il faut qu'elle joue, qu'elle semble ne pas tant chercher à faire illusion à son partenaire, dont le regard perspicace ne prend pas un instant le change, qu'à elle-même. Une idée l'obsède, la volupté n'est pas exactement la vertu aux yeux du monde. Il arrive qu'on réprime le vice. Aussi doit-elle faire croire à une manière de persécution, jouer les prudes et la carte de l'hypocrisie. Pour qu'elle puisse se pâmer en ayant l'air affolée, il faut qu'elle se convainque elle-même de son jeu de scène et qu'elle croie que l'on croit qu'elle ne se pâme point, mais qu'elle éprouve de l'effroi. Il faut que l'amante mente. Ouais, t'as vu la fin de son livre ? Elle dit... Elle veut bien, somme toute, qu'on la viole. Quelque effroi qu'elle s'avise de feindre, il semble qu'elle consente voluptueusement à sombrer. En fin de compte, elle ne s'effarouche guère. Bah tu vois, c'est pour ça qu'il faut continuer de parler de culture du viol et dénoncer ça, parce qu'en fait, des hommes dans notre monde moderne continuent de dire que c'est la faute des femmes qu'elles voulaient. En fait, le problème n'est même pas ce qu'a voulu peindre Fragonard, c'est l'interprétation qu'on en fait encore aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut toujours la questionner et y réfléchir. Finalement, on s'intéresse pas tant à est-ce que c'est un viol ou pas, on s'intéresse à je veux avoir le droit de dire que c'est un viol et de voir dans cette scène un viol pour interroger les façons dont on représente l'amour aujourd'hui et comment est-ce qu'on s'imagine aimer les autres. Ah mais il faut vraiment qu'on aille voir la mise en scène de Miller Rao, enfin la pièce qu'il a créée sur le procès Pellico. C'était à Avignon l'année dernière et c'est vraiment le sujet parfait. Ok, allons-y la semaine prochaine. Oui. Ce travail a été réalisé d'après un travail de recherche et avec les voix de Marin Ribaud, Julie Ababou, Osgué Kariman, Eugénie Joulin et Lolé Ferraud.